question. Repartir de zéro. Mais tu peux te reconstruire. T'es comme une cathédrale. Plus solide que tu ne crois. Si tu regardes plus. Ceux qui t'ont menti en te laissant sur la route, fais-leur un pied de nez en te montrant plus fort. Hey Paul Mike, je sais c'est pas facile. Passer tous les doutes. Mais ce que tu as su faire, tu le feras en...